avec sursis et à 250 000 euros d'amende. Nouvelle grève à l'APHP, l'intersyndicale de l'assistance publique hôpitaux de Paris appelle à manifester le 17 novembre prochain. Une riposte au protocole d'accord signé par la direction et la CFDT sur l'organisation du travail. L'intersyndicale pose un ultimatum à Martin Hirsch. Le directeur général doit retirer le protocole d'accord. Si cela n'arrive pas, une grève totale et illimitée est envisagée. Une amende de 750 000 euros requise contre Total. Le groupe pétrolier est poursuivi pour corruption d'agents publics étrangers. C'est dans le cadre du procès en appel des détournements du programme de l'ONU Pétrole contre Nourriture. En première instance, l'entreprise avait été relaxée. Marine Le Pen se justifie cet après-midi. La présidente du Front National était au Parlement européen à Strasbourg, où il lui est reproché d'avoir fait voter son voisin à sa place hier lors d'une session. En effet, c'est le Néerlandais Marcel De Graaf qui a voté pour Marine Le Pen, qui livre sa version des faits. Qu'est-ce qui s'est passé hier qui justifie ce cinéma ? Je suis parti en laissant ma carte de vote, ce que font, et vous le savez bien, des dizaines de députés. Nous mettons notre carte au début de la session et nous la retirons à la fin de la session. Bon. Mon collègue, monsieur De Graaf, dont je tiens à dire qu'il est l'exemple de la courtoisie et de l'éthique sans faille, a cru que j'étais parti quelques secondes. Il a effectivement effectué 4 votes en mon absence. Et sans mon autorisation. Et sans mon autorisation. Il a commis là, il est vrai, une maladresse. Est-ce que ça justifie encore une fois ? Et je vais vous dire une chose, mes chers confrères. Il a fait preuve, pensant que j'étais parti quelques secondes, de l'esprit chevaleresque dont vous feriez bien de temps en temps de vous inspirer. Je réserve quant à moi mon action et je pense déposer plainte à l'égard de Monsieur Weber qui a porté contre moi des accusations insupportables. Merci. Marine Le Pen qui envisage donc de poursuivre l'Allemand Manfred Weber. Nicolas Sarkozy s'est entretenu cet après-midi avec Vladimir Poutine. L'ex-chef de l'État était à Moscou pour discuter avec le président russe du dossier syrien. Cet après-midi, Manuel Valls lui demande de ne pas mettre en cause la position de la France. Nicolas Sarkozy a plaidé pour un rapprochement entre la France et la Russie pour travailler ensemble sur la crise syrienne. En Autriche, les discussions doivent reprendre cet après-midi justement sur la Syrie. Autour de la table, américain, russe, turc et saoudien. Demain, l'Iran sera associé pour la première fois à ses pourparlers. Une révolution pour les couples chinois. Le pays annonce la fin de la politique de l'enfant unique. Il est désormais possible d'avoir 2 enfants. On prend les mêmes et on recommence. Le 15 de départ des All Blacks, victorieux face à l'Afrique du Sud, a été reconduit pour la finale face à l'Australie. Ce sera samedi à 17h à Twickenham, finale de la Coupe du Monde de rugby. De son côté, l'Australie annonce le retour du pilier Scott Sio. On file à la Bourse de Paris. La Bourse, avec les détecteurs de fumée Angel Eye. Votre protection incendie, dès maintenant, en magasin de bricolage. Bourse qui clôture en baisse, Jean-Yves Courcial. Alors il reste encore 30 minutes d'échange, mais le CAC 40 est effectivement en baisse, il recule de 0,47% à 4867 points. Alors on sent un peu de nervosité sur les marchés, les investisseurs ont beaucoup de publications d'entreprises à digérer, et au chapitre macroéconomique, la décélération de la croissance américaine s'est confirmée, avec un PIB en hausse de seulement 1,5% au troisième trimestre, selon une première estimation. D'ailleurs à New York, le Dow Jones cède actuellement 0,31% et le Nasdaq moins 0,27%. Sur le marché des devises, l'euro s'échange contre $1,0965. Et du côté des valeurs, beaucoup de publications d'entreprises à surveiller aujourd'hui. Saint-Gobain abandonne par exemple 5,52% après avoir lancé un avertissement sur résultat. Sanofi recule de 3,08%. Le laboratoire s'attend à un repli des ventes de sa division diabète entre 4 et 8% d'ici à 2018. En revanche, malgré des résultats trimestriels mitigés, Alcatel-Lucent flambe de 9,88%. Le titre de l'équipementier en télécommunications profite surtout des trimestriels dévoilés par le finlandais Nokia. D'ailleurs, Nokia bondit de 10,51% à la bourse d'Helsinki. Je vous rappelle le CAC 40, il recule de 0,48% à 4866 points. La bourse, Jean-Yves Courcial pour France Inter. Tous les vendredis à partir de 20h sur France Inter. D'ici, d'ailleurs. Zoé Varier. Ils viennent du monde entier, ils sont venus vivre en France. Étrangers, immigrés, exilés, tous les vendredis soirs sur France Inter, ils racontent leur histoire. D'ici, d'ailleurs. À demain. À partir de 20h. Disponible aussi à la réécoute ou en podcast sur franceinter.fr. Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Stylus, le nouvel album de William Scheller. Y a rien qui mord, y a rien qui pique. Après 7 ans d'absence, c'est son grand retour. Il n'y en a pas de pareil. Tu viendras si tu veux. C'est Scheller au royaume des Beatles, mais c'est aussi Schubert, transposé à Abbey Road. Je sens bien déjà. William Scheller sera en concert à Paris les 8 et 9 décembre aux Folies Bergères et en tournée dans toute la France. Retrouvez William Scheller dans le programme musical de France Inter. C'est une belle journée pour moi. Et sur franceinter.fr. 17h07 sur France Inter, on vous retrouve Charline Vanhoenacker pour Si tu écoutes, j'annule tout. Merci Bindili, qu'est-ce que vous avez annulé, tiens-vous, pour nous écouter? Eh ben, je vais annuler mon métro et je vais monter voir Grand Corps Malade pour tout vous dire. Une fan. Merci à Bindili Diallo pour ces informations et écoutez comment nous avons préparé cette émission ce matin. Salut les amis. Salut Alex. Alors, est-ce qu'on a les sujets? Attends. Ah bah non, on n'attend pas Juliette. Non, mais elle viendra pas, Juliette. Bon, pas de problème, je vais gérer seul, comme d'habitude. Ah là, non, je crois pas. Ben voilà. Bonjour, non, vous êtes la stagiaire? Mais c'est Charline. Bah, ouais. Charline, elle est pas aussi bronzée, ça. Ah bah, si. Il fait très beau, bah mince en ce moment, je te signale. Bah oui. Bon, la boulette. Bon, il y a pas plein de sujets là. Et toi, Alex, tu reprends gentiment ta place. Bim, allez, hop là. Alors, je pourrais traiter un des trois sujets. Comment? Bah, je suis assez à l'aise en actu, on l'a vu pendant 3 jours. Non, mais il y a pas de raison. On partage au moins le sommaire. Mais non, écoute, tu m'as remplacé, merci beaucoup. Enfin, maintenant, tu reprends ta place. Ouais, voilà. Elle est belle, la lutte des classes. Ah ouais. C'est vrai qu'il a un peu raison là-dessus. Ah bah parce oui, que... mais quoi, mais c'est un peu... Quand on donne un acquis social à quelqu'un, on lui retire pas. C'est pas ça, la gauche. Bah, c'est vrai, il a raison. Enfin, mais pas du tout. Tu m'as donné la place de patron et tu reviens comme si de rien n'était. Et moi, je me retrouve ouvrier du riz. C'est dur, c'est pas facile. C'est le capitalisme médiatique, si ça te convient. Mais pas du tout. Très bien. On prend les gens quand on en a besoin, puis on les jette. Elle est belle, la France. La conjoncture est là. Je comprends. C'est vrai que c'est dur pour lui, il faut comprendre. Germinal, depuis, rien n'a changé. Il va me faire chialer. Non, très bien. C'est bon, je retourne à la mine. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est Charline? Parce que Charline, elle comprend le combat des petites gens. Charline, elle n'aurait jamais fait ça. Cette femme bronzée, là, c'est pas Charline. Non. Alors maintenant, ça suffit. Vous allez tous m'arrêter ce cirque-là. On prend la presse, on trouve des sujets et puis on va faire une bonne émission, ok? C'est Charline. Bonjour la France Inter et garde à vous. Vous écoutez l'émission qui ne présente pas ses excuses à l'actualité et voici les trois informations que c'est le général de Gaulle qui l'a dit. Alors on va en parler jusqu'à 18h. À l'Élysée, une cellule secrète prépare la campagne présidentielle de François Hollande au cas où. Dans le dispositif, un tireur d'élite qui tire des vannes, des sentences lapidaires, bref, un sniper. J'ai jamais vu un vrai tireur qui ferait ça, même pour sa propre mère. Le nouveau service militaire volontaire se met en place. Une trentaine de jeunes vont d'ailleurs être formés par l'armée de terre avant d'être embauchés à Disneyland Paris. Tiens, salut Hachou. Salut. Salut, il y avait Hachou. Le nouveau clip de la chanteuse Adèle est vu 1 million de fois par heure depuis vendredi. Pour écouter la chanson du moment, on clique, on mate et vite fait c'est entendu. La chanson ne passe pas à la radio, hein, vous la verrez pas à la télévision non plus. Hein. Mais elle s'en fout, elle a quelque chose à dire. Hein. C'est pas comme les chansons qu'on voit à la radio qu'on entend à la télévision. Hein. Je suis accompagnée de celui qui écoute le clip pour mater la chanteuse, c'est Alex Vizerec. Bonjour Charlie, quel bonheur de vous retrouver, même à ma place de second. Et autour de la table, une belle équipe pour vous faire la fête pour votre retour. À 17h20, si c'est elle qui choisit la musique de votre boom de rentrée, vous n'avez aucune chance de danser sur une chanson que vous connaissiez déjà avant. Mais ce serait sans doute pas la dernière à s'accrocher à la chenille. C'est Mélanie Bauer, bonjour. Bonjour, le mot du jour, c'est antonyme. Très bien, à 17h30, dans la soirée, c'est celui qui se dispute avec tout le monde parce qu'au lieu de se détendre et de parler foot, il va lancer un débat politico-social qu'il terminera ivre avec le labrador dans sa niche. C'est Guillaume Meurice. On a passé beaucoup trop de soirées ensemble. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors moi, je me suis intéressé aujourd'hui à la candidature de Jean-Claude Bader sur une liste Front National au Régional. C'est celui qu'on surnomme le Johnny Alsacien. On va donc parler sosie, j'en ai appelé. Par exemple, une sosie de qui? Dalida, Véronique Sanson, je fais dernièrement Piaf. Oui, alors c'est vaste. C'est quand même assez vaste. Mais c'est mieux de se donner plus de boulot. À 17h40 en soirée, je lui jetterai d'abord des regards discrets jusque 22h, puis je me dirigerai lentement vers elle pour parler cinéma japonais des années 30. Puis le slow retentirait et là quelqu'un criera c'est le quart d'heure américain et elle choisira un autre partenaire. C'est Clara Dupont-Monod. Bonjour. Bonjour Alex. Ça vous rappelle les choses? Moi oui. Non. De quoi va-t-on parler? On va parler d'une très belle expo au musée d'Orsay sur la prostitution et du coup d'un livre de Guinot Passant qui s'appelle Les prostituées. Et nous sommes accompagnés d'un invité de référence pour nous éclairer sur le monde parallèle si vous voulez. Vous êtes né sous Giscard, vous travaillez au service marketing du Stade de France en 2001, c'est l'année du lancement de l'iPod. Vous sortez votre premier album, Midi 20, en 2006, alors que Faflarage chante J'ai pas le temps. Vous publiez un livre intitulé Patient en 2012, quand Pierre Sarkozy, un petit peu malade, est rapatrié d'Odessa en France aux frais de l'État. Il n'y a pas de hasard, vous êtes avec nous, je vous laisse nous le dire. Bonjour, je m'appelle Grand Corps Malade. Mais bienvenue. Oui, c'est lui. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. J'allais vous demander de nous le prouver, mais enfin cette voix, ça ne peut être que la vôtre. C'est une belle introduction, une bio parallèle. Faflarage, c'est qui Charline? J'en sais vraiment rien. Moi, je peux vous le dire, Faflarage, voilà. C'est un rappeur marseillais, c'est le frère de Shuriken, le chanteur, un des deux chanteurs d'IAM, voilà, qui a plein de tubes à son actif. D'accord. Voilà. Donc on l'aime bien. Je vais me renseigner. Bon rappeur, Faf. Ouais, voilà. C'est vrai. Bon, écoutez, alors je vais me renseigner. Alors d'abord, on va s'intéresser à vous, Grand Corps Malade. Il y a cet album, Il nous restera ça, un album que vous avez ouvert à différents artistes. Alors attention, c'est pas un album de duo. Vous avez vraiment. Alors vous avez donné un thème, Il nous restera ça. Un peu plus une phrase qu'un thème d'ailleurs, parce que derrière cette phrase, justement, il peut y avoir plein de thèmes. C'était un peu le but, justement, une phrase un peu large pour que, du coup, les titres et les thèmes ne se ressemblent pas forcément. Un peu large, mais. A priori un peu sombre, en tout cas chargé de choses. Et c'est un album où vous avez invité à la fois Aznavour jusqu'à Richard Bohringer en passant par Jeanne Chéral. Mais tout le monde n'est pas slameur ou n'a pas l'âme d'un poète. Quels sont les points communs entre leur art et qui fait que vous les rassemblez avec vous sur cet album? Donc j'ai dit, il y a Jeanne Chéral, Richard Bohringer, Lino, Fred Pellerin. Qui est une énorme célébrité du Québec, moins connue chez nous. Ben non, mais leur point commun, il est évident, si justement, c'est que c'est tous des poètes et chacun dans leur univers. Alors, il y a Eric Orsena qui est écrivain à l'Académie française, Lino qui est une légende du rap français des années 90, en passant évidemment par des plus jeunes comme Ben Mazuet, Luciol, Jeanne Chéral, ou des institutions comme Thiéfen, Renaud ou Aznavour. Et oui, le point commun de tout ça, vous avez dit Bohringer aussi, bien sûr. Leur point commun, c'est avant tout l'écriture. J'avais envie de faire un album d'auteur au pluriel. Où d'habitude, quand des artistes se réunissent, c'est plutôt pour faire des duos ou alors des reprises de tel ou tel chanteur. Là, j'avais envie de mettre en avant le fait que ce soit tous des belles plumes. Comme ça, vous ne devez pas l'écrire vous-même. Alors, j'en ai écrit quand même. C'est-à-dire que justement, ça peut faire un peu feignant, mais justement, j'ai essayé de. Mais alors là, on est finalement beaucoup plus dans le partage qu'un duo, parce que souvent, des duos, c'est des reprises, hein, généralement, les albums qu'on voit. Comment est-ce qu'on est dans le partage, alors que finalement, peut-être chacun travaille de son côté et vous apporte ce qu'il a fait? Ouais, on n'est pas forcément dans le partage. En effet, ça a été un travail assez solitaire, sauf le mien, qui a été essayé de regrouper un peu tous ces gens-là, de discuter avec eux, de raconter un peu l'histoire de ce projet, de les convaincre, de récupérer tout ça, de faire mettre en musique. Donc voilà, comme vous dites, c'était pas finalement un album si feignant que ça. C'était même beaucoup plus dur qu'un album solo. Parce que j'avais cette casquette un peu de coordinateur, et puis j'avais aussi une casquette d'auteur. Moi, j'ai écrit 5 textes quand tous les autres feignants en ont écrit qu'un. Non, voilà, c'était vraiment une super expérience, parce que forcément, je me suis fait plaisir. J'ai été chercher des gens que j'aime, que j'admire, et du coup, voilà, d'essayer de faire un album avec tous ces gens-là, ça a été une belle aventure. Un album collégial, donc Mélanie Boer. Ça doit pas être facile de dire à Aznavour non, ton texte, excuse-moi, là, ça va pas, la troisième rime, là, c'est pas bon. Bah, ça tombe bien, ouais, j'ai pas trop eu à lui dire ça. Non, à part leur expliquer le contexte, le concept et leur donner tous la même phrase, il nous restera ça. Après, liberté absolue. Total, ouais, sur le fond comme sur la forme, ils pouvaient te traiter de n'importe quel sujet. Et c'est vrai que ça m'aurait embêté de me dire, tiens, ce texte-là est moyen. Il se trouve que voilà, ils ont tous joué le jeu, ils m'ont tous pondu des vraies merveilles. Donc il y en a un qui est moins bien quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Et là, c'est évidemment. Ah, c'est grand corps malade, c'est un cran en dessous de tout le reste. Ouais, hein. Honnêtement. Alors, c'est le fameux album où il y a un peu le retour de Renaud, bien sûr, on en a beaucoup parlé. Il nous restera ça, donc un thème qui peut paraître sombre, comme ça, quand vous le lancez. Est-ce qu'il y a des chanteurs beaucoup plus légers qui auraient pu y participer? Je sais pas, Annie Cordy a peut-être pas l'âme d'une poétesse, mais si, sûrement, est-ce qu'on aurait pu imaginer? Elle n'était pas là. ça sonnait occupé tout le temps. Vous n'avez pas tenté Jean-Jacques Goldman? Non, je sais qu'il est, qu'il se fait très discret. Non, mais après, j'ai pensé à beaucoup de monde. Hein, vous savez, des bons auteurs en France, c'est une de nos richesses. On en a plein. Donc, ça a été un choix arbitraire, subjectif. Et puis, voilà quoi. Oui, mais qui fait la patte et le cachet de l'album et qui vous ressemble. Il y avait aussi, une envie au-delà de leur point commun, c'est l'écriture. Il y avait une envie de diversité. Il se trouve que j'aime autant le rap français que la bonne chanson française à texte. Du coup, c'était aussi une envie d'avoir autant Faf Larage qu'Eric Orsenna. Voilà. Lino, vraiment. Lino, je vous invite à notamment écouter son texte. Il nous a fait un texte de fou. C'était un des rappeurs du groupe mythique Arsenic. Il nous restera ça, Grand Corps Malade et tous ses invités sur cet album. Et tiens, là, on écoute un extrait. C'est le vôtre, c'est Pocahontas. On a déjà eu les premiers mots, les premiers rires déclenchés, les premiers pas, les premières courses, les premiers genoux écorchés, les premières photos à quatre, les premières crises de cauchemar, les premières nuits pointillées, les premiers vices de couche-tard. On a encore les mémories et les parties de domino, les jouets qui font trop de musique et les matins trop matinaux, les journées de taf raccourcies, l'ultimatum de 16h30 et les promenades au parc, tous les jours où ça leur tente. On continue de s'émerveiller devant un dessin de cosmonaute ou un bonhomme pâte à modeler avec un bras plus grand que l'autre. On continue de vouloir filmer tous ces moments insensés qui ne reviennent plus jamais dès lors que le film est lancé. On a eu les premiers hostos, les inquiétudes, les premières peurs, les premières grosses engueulades, les punitions à contre-cœur, les premiers cadeaux débiles avec leur nom sur leur tasse, les siestes d'un œil sur le canapé en regardant Pocahontas. Impatience, les premiers devoirs à la maison, les premiers stress de contrôle, les boules au ventre à l'horizon, les premiers mots dans le carnet pour les tarés quand ils s'amusent, les premières mauvaises notes pour les carrés de l'hypoténuse. On redoute un peu quand même le cartable de 20 kilos, cahier à spirale, intercalaire, trousse qui déborde de stylo. Et puis aura le premier portable, les premières booms, première soirée, les premières peines de cœur, premier encart un peu foiré. Ce sera un peu le moment de toutes les grandes premières fois, les premières cuites, les premières nuits qu'on ne nous racontera pas. On les regardera agir avec un pincement au cœur, car de leur vie on deviendra de plus en plus spectateur. Il y aura la première fois moins de 5 fautes au code de la route, qui leur permettra de s'éloigner encore plus vite. Et puis sans doute, suivra leur premier appart avec une Pocahontas bien élancée. Ils reviendront vider leur chambre, ça j'ose même pas y penser. Il nous restera ça, je l'espère, ce sentiment essentiel, de les avoir bien préparés à cet immense bordel. Il nous restera ça, j'en suis sûr, cette indicible joie, de les voir courageux, bien épanouis dans leur choix. Il nous restera une maison avec une ou deux chambres en trop, retrouvant le statut de jeune couple en perdant suite par en pro. Il nous restera à regarder devant en appréciant ce qu'il y a derrière, prendre plein de photos de demain pour compléter celles d'hier. Et puis les chambres en trop seront à nouveau amochées par la nouvelle génération des premiers genoux écorchés. Le cycle jouera son rôle implacable et fatidique, et on retrouvera des jouets modernes qui font toujours trop de musique. Au milieu des nouveaux cris, on se dira qu'on a réussi à fabriquer ce manteau qui nous protège la vie. Ce confort impalpable, ce tremplin, cette béquille, ce miracle anodin, on a fait une famille. Enfants et la télé juste en face, je me vois bien faire une bonne sieste, pourvu que ce soit Pocahontas. Il nous restera ça, c'est l'album de Grand Corps Malade et c'était un extrait. Pocahontas, Grand Corps Malade est notre invité jusqu'à 18h. Oui, Grand Corps Malade qui, quand il veut faire un disque, demande aux invités d'écrire. Alors, je propose que la prochaine fois que vous venez ici, venez avec des vannes et des sketchs. Ça nous fera gagner du temps. Et essayer. Autour de la table, ceux qui ont vraiment travaillé, c'est Clara Dupont-Monod, c'est Mélanie Bauer et c'est Guillaume Meurice. Et à cette heure-ci, sur France Inter, pendant qu'on parle, le monde change, le monde bouge. Nicolas Sarkozy a vu Poutine, tout ça, on en parle. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. On commence avec les titres. Le Parlement européen soupçonne un eurodéputé néerlandais d'avoir voté à la place de Marine Le Pen. Étant donné qu'il s'est exprimé à sa place, eh bien David Pujadas cherche à le contacter pour l'inviter à déparoler des actes. Bruno Le Maire prépare sa campagne en s'inspirant de Justin Trudeau. Et c'est sans doute Juppé qui lui a dit « Tu verras, c'est très très beau le Canada ». Et des brefs, parce que ça nous avait manqué. Marine Le Pen est donc soupçonnée de fraude lors d'un vote au Parlement européen. Voilà, donc comme à déparoler des actes, quand elle n'est pas là, c'est encore plus le bordel que quand elle est là. Son retrait de l'émission aurait tout de même coûté 400 000 euros à France Télévisions. Voilà, elle n'est pas encore élue qu'elle coûte déjà plus cher à l'État que ce qu'elle ne lui rapporte. C'est un beau message. Front National toujours. Oui. Henri Guénaud, de Les Républicains, oui, a avoué qu'il pourrait travailler avec Marion Maréchal Le Pen. Oui, le scan du Figaro a retrouvé une interview de Philippot en 2014. Henri Guénaud a sa place au Front National, c'est ce que vous dites ? Moi, je l'ai toujours pensé. Je lui dis que s'il écoutait son cœur, il serait déjà là depuis longtemps. On ne sait pas si c'est son cœur qu'il a écouté, mais il y a envie quand même d'y aller. Alors, toujours à droite, Bruno Le Maire prépare sa candidature à la primaire de 2016. Oui, pourtant, par rapport à Sarkozy ou Juppé, Le Maire a un gros avantage. Son entourage le souligne qu'il n'a pas de dossier qui le freine. Oui, d'un autre côté, il n'a pas non plus des dossiers qu'il faut avancer. Voilà, et c'est sans doute pour ça que Bruno Le Maire fait du surplace dans les sondages. Ah bah, c'est très étonnant. Vous plaisantez ? Bah non, c'est très étonnant qu'il fasse partie même des sondages. Ah, d'accord. Mais pour décoller dans les sondages, Bruno Le Maire entend rebondir sur l'élection du jeune Justin Trudeau, 43 ans, à la tête du gouvernement canadien. Bruno Le Maire entend être le Trudeau français. Tandis qu'au Canada, on n'entendra jamais Trudeau dire qu'il est le Maire français. Voilà. Licenciement abusif au MEDEF. Le MEDEF attaqué au Prud'homme, ouais, par l'un de ses anciens directeurs. Voilà, un patron qui attaque le syndicat des patrons. La CGT s'est acheté des pop-corns et s'est assis au premier rang. Astrophysique, un ovni va s'écraser sur la Terre le vendredi 13 novembre prochain. Voilà, Paco Rabanne s'était trompé que de 15 ans. Franchement, c'est pas grand-chose. Espace toujours, la Russie veut marcher pour la première fois sur la Lune en 2029. Est-ce qu'on leur dit que les Américains y ont déjà été ou on les laisse bosser ? Je sais pas, je réfléchis. Science, les vers intestinaux peuvent être bénéfiques. Oui, les vers solitaires peuvent être bénéfiques pour la santé. Voilà une bonne nouvelle pour Jean-Vincent Placy. International, Pékin abolit sa politique de l'enfant unique. Et oui, je vous sens surpris, Clara Dupont-Monod. Non, parce qu'elle ne comprend pas les blagues. Je lui mime, en fait, depuis tout à l'heure. Oui, là, c'est difficile d'être celle sur Marion Maréchal Le Pen. Elle est toujours là-bas. Bon, on va lui donner les textes. On revient à l'international. Pékin, attention, concentrez-vous, oui, Clara Dupont-Monod. Celle-là est facile. International 2 points, Pékin abolit sa politique de l'enfant unique. Et ce qui est normal, parce que jusqu'à présent, Angelina Jolie avait le droit d'adopter plus d'enfants asiatiques qu'un couple de Chinois. Vous avez compris. Maroc, prison pour un homme qui s'est fait passer pour l'épouse du roi. Oui, il a été condamné à 5 ans de prison. Il avait le don d'imiter les voix, il avait déjà trompé de nombreuses victimes en se faisant passer pour un haut responsable. En tout cas, en prison, il pourra se faire passer pour la reine tous les soirs. Primaire républicaine. En fait, à ce qui se passe dans les des foyers, voilà. Non, mais c'est bon, elle a compris, on peut enchaîner. C'est bon, on enchaîne. Primaire républicaine aux États-Unis, dans le troisième débat, Jeb Bush a ironisé sur la semaine de travail à la française où on ne travaille que 3 jours. Et c'est absolument faux. Cette semaine, Charline Vanhoenacker a travaillé 2 jours seulement. Voilà, alors il faut payer pour visiter la tombe de Karl Marx. Oui, il faut payer pour visiter la tombe de Karl Marx. Le capitalisme a gagné, mais ça vaut la peine de payer. On peut voir Karl Marx se retourner en se rendant compte de ça. Une page média à présent pour sauver son poste à la météo. Philippe Verdier mobilise les internautes pour signer une pétition. Et voilà, peut-être que maintenant qu'il a chaud au cul, il va se rendre compte du réchauffement climatique. Enfin, TF1 veut racheter la maison de production de Plus belle la vie. Et c'est normal qu'il rachète Plus belle la vie. Il trouvait ça inconcevable que le programme le moins intelligent de la télé française ne soit pas sur leur chaîne. À 17h25 sur France Inter, nous continuons bien sûr l'information, hein, puisque vous êtes bien informé à présent, n'est-ce pas, Grand Corps Malade ? Ah là, ça y est, j'ai fait un bon résumé de la semaine. On est au top. Premier sujet avec vous. Le président de la République a engagé un tireur d'élite, mais il vise avec sa plume. Il décoche des sentences lapidaires. Il s'appelle Guillaume Bachelet et puisqu'il œuvrait avant pour Fabius ou Aubry, c'est lui l'auteur des piques envers Hollande, les fameuses fraises des bois ou Guimauve le conquérant. Je suis socialiste d'inspiration, mais Le projet que je propose au pays, c'est pas un projet socialiste. Ça lui ressemble pas, ce genre de formule. On sent plus la patte du communicant. Typiquement, le genre d'idée que mon frère a dû lui souffler. Allô ? Olivier Candel. Vas-y, je t'écoute. Stratège en com du candidat Jospin. T'es sûr ? Les chiffres de Wallis et Futuna viennent de tomber. Jospin double son score de 95. Ça sent bon, les amis. Un visionnaire, le frangin. Pas du genre qui doute. Un extrait du film Des lendemains qui chantent. Alors, Hollande a donc une plume, mais qui est particulièrement acérée, puisqu'elle lance des petites piques, des vannes, c'est carrément des vannes, hein, parce que appelé François Hollande, fraise des bois, ou alors qu'est-ce que. Attendez. Ah oui, la présidentielle, François Hollande y pense en nous rasant. C'est de lui aussi. Ça, c'était avant qu'il passe dans le camp de François Hollande. Alors, ça, c'est une plume particulière. C'est pas un communicant, c'est un élu. Quand un politicien sort ce genre de petites vannes, qu'on sente qu'il y a un auteur derrière ou pas. Vous qui êtes un homme de plume, grand corps malade, est-ce que ça vous titille l'oreille ou bien ça vous ennuie ? Non, ça, après c'est toujours pareil, il faut que la vanne soit bonne. Quoi. Quand c'est moyen, bon, par exemple, fraise des bois, bon, voilà, je trouve pas ça fou. Mm-hmm. Il y pense toujours en nous rasant, à la limite, ça c'est déjà drôle, plus rigolo. Ouais. Mieux, donc bah, voilà, quand la vanne est bonne. Guimauve le conquérant, c'était pas mal. Guimauve le conquérant, ouais, c'est, ça va. Ouais. Non, mais là, en tout cas, Hollande, il fait preuve de. Enfin voilà, il est pas rancunier, quoi. Et... ou alors le mec est très très fort et il accepte. Bon, il a l'air d'être plutôt stratège en ayant récupéré. Bah, il embauche ça, des gens, hein, il fait baisser les chiffres du chômage, il est embauché. Vous êtes une équipe de foot et qu'il y a quelqu'un qui vous a mis beaucoup de buts, c'est ça, vaut tant mieux de racheter équipe, l'attaquant. Ouais. Hein. Alors, le sniper, c'est plutôt un rôle qu'on voyait en télévision, dans les émissions, etc. Maintenant, si même le président de la République en a un, ça marchait en télé, alors comme la télé est pionnière de toutes les bonnes idées. vous êtes sensible à la... Là, ou pas ouais, non, on sentait que vous y croyez. On a senti qu'il n'y avait pas d'ironie du tout, en tout cas. Vous êtes sensible à la plume des politiques. Est-ce que quand un politicien fait montre d'une certaine facilité dans le discours ou de profondeur de la vision, on va peut-être pas mettre la barre trop, mais est-ce que quand il y a un style ou une plume, vous y êtes un peu sensible et ça peut jouer? Ouais, je suis pas assez spécialiste, mais j'ai l'impression quand même que les discours se ressemblent un peu tous. Ils ont quand même eu, voilà, un champ lexical ou voilà une manière d'annoncer les choses qui est toujours, enfin, qui se ressemble un peu de les uns les autres. Après, voilà, il y a eu des belles plumes. Moi, il paraît que Eric Orsenna, qui est sur mon très très bel album, oui. Bien ramené à la promo, ramené, très mal, fort. Promo, très fort en promo. Non, mais voilà, il était là, quand même la plume de François Mitterrand. Alors bon, voilà, par la suite, on voit que les plumes des présidents sont des fois des grands écrivains. Mais rien proposé Henri Guénaud sur l'album. Ouais, ça sonnait occupé tout le temps. J'ai jamais réussi à le vendre. Henri Guénaud, pourtant, il nous restera ça. Henri Guénaud, il a de quoi dire. Clara Dupont-Mono. Ce qui est intéressant, c'est de voir que souvent les pires piques, et Guillaume Bachelet en est quand même l'exemple, ouais, viennent du même camp, en fait. Oui. Mmh. Et bah oui, c'est, rappelez-vous, il y avait Bertrand Delanoë qui avait dit le vrai changement pour le PS, ce serait de gagner. Bah, c'est souvent du propre camp. Et même il y a ceux des c'est fois bon qui font. Van, ça. Bah oui, il y a même ceux des fois qui font pas exprès. Il y avait Rachida Dati qui avait dit j'ai jamais cherché à attirer l'attention des médias. Grosse vanne, auto-grosse vanne, mais oui, sans même faire exprès. Et aujourd'hui, c'est catalogué parmi aussi, les petites piques, mais téléphone, c'est intra-interne. Vous voyez ce que je veux dire? Plus tu connais bien le milieu, plus tu sais le vanner. Hein. C'est, voilà, les blagues communautaires, c'est ce qui marche le mieux. Oui, c'est vrai. Mais donc, est-ce que vous regrettez un petit peu qu'il n'y ait pas cette facilité d'écriture ou d'emphase chez nos politiciens? Vous disiez, j'entends un peu les mêmes discours, c'est ce qu'on appelle les fameux éléments de langage, hein, c'est-à-dire on appelle aux responsabilités, les Français, en labourant le terrain, etc. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose sans... Et le truc, c'est le dire de pourquoi. C'est Sarko qui a quand même pas mal lancé ça. J'ai oui, il s'auto-posait des questions. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors, nanana, alors pourquoi? Je vais vous le dire. Voilà. ça marche bien aussi. Exactement, voilà. On connaît déjà toutes les ficelles, alors si vous pouvez se renouveler, ça nous ferait du bien. Si on reparlait un peu de slam, de votre album et de Grand Corps Malade avec Mélanie Boer. Ah oui, alors donc le mot du jour, c'est antonyme. Je sais que vous avez lu mon texte derrière mon épaule, non, déjà faux, tout à l'heure. Alors, vous êtes mis à côté de moi, je ne sais pas où mettre les yeux. C'est petit et justement, on y arrive. Si on prend les antonymes d'un Grand Corps Malade, on obtient de petits esprits en bonne santé. Et c'est exactement la définition de ce disque, il nous restera ça. Alors vous me direz, petits esprits, hein, ça sonne péjoratif, mais il est important pour le poète de ne pas se gonfler d'orgueil, de ne pas se sentir grand, comme vous le précisez, hein, par le biais de la voix de Georges Brassens, en introduction à votre disque sur l'heure des poètes. Bon, on a déclaré que j'étais un poète, moi je fais des chansons. Je ne sais pas si je suis poète, il est possible que je le sois un petit peu, mais enfin, peu m'importe, je chante, je mélange des paroles et de la musique. On se doit donc d'être petit, d'autant plus si l'on officie sur la scène impitoyable du spectacle vivant. Il s'agit donc ici de poésie, de slam en anglais. On slame une door, traduisez, on claque une porte. C'est d'ailleurs des États-Unis fin des années 80 que vient le slam. Bien que ce soit difficile de vraiment dater ce genre qui pourrait venir tout autant de la Beat Generation ou bien chez nous des expérimentations musicales du label Sarava. Car si on cherche un peu et qu'on écoute par exemple ce titre de 1970 enregistré avec le groupe américain de jazz le Art Ensemble of Chicago d'Alfred Panou, on peut mais se demander... Mais comment va-t-il Alfred Panou? Mais oui. Il va très bien Alfred Panou. Ah. On peut se demander... J'ai essayé de le joindre et... c'est mon running gag. Ça va marcher. On peut se demander si nous ne serions pas un peu précurseurs du slam. C'est un 70. Je n'ai plus le moral nécessaire de tendre ma joue pour recevoir la gifle de la justice. Je n'ai plus le moral nécessaire de penser gauche et d'agir droite. Ça vous parle, ça hein? C'est un sketch de M.C. Solar. C'est très pas nous. Vous êtes vache. C'est d'ailleurs toujours au label Sarava de Pierre Barou qu'on attribue le premier disque de slam en 1995, Le Banquet de Gérard Anzalone. Mais revenons à cette chronique. Ces petits esprits en bonne santé se réalisent grâce au maître du sound design, le producteur Angelo Follet, et un artiste qu'on aime beaucoup sur France Inter, Babix. Babix, musicien hors norme, qui nous a lui aussi donné des frissons. Son de poésie cet été avec ses hommages, son dernier album Cristal Automatique 1, hommage à Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, Jean Genet et plus encore, des textes qu'il interprète avec passion et le cheveu en bataille. Un soir fait de rose et de bleu mystique, nous échangerons un éclair unique, comme un long sanglot, tout chargé d'adieu. Et plus tard un an. Alex Vizorel, je vous ai vu bailler, c'est pas gentil. Non, c'est pas moi. C'est super, Babix. C'est superbe. C'est la détente. C'est très très beau. Vous avez travaillé avec lui. Bien sûr, Babix et Angelo Follet, donc voilà, les deux réalisateurs musicaux de l'album ont fait un travail incroyable parce que c'était pas évident. Il y a 11 voix différentes sur cet album. Il fallait voilà trouver une cohérence et ils ont amené vraiment une vraie couleur à l'ensemble de cet album. Ils ont fait un super boulot. Le mastering aussi après a dû être pas facile. Le mastering. Oui, bon, ça c'est des trucs. Mais c'est quoi le mastering? Un truc technique. Ah, c'est technique. Ces petits esprits qui cherchent en eux la poésie de cette phrase, il nous reste. À ça. Un concept terrifiant hein, puisque il nous restera ça, on aura tout perdu, mais fascinant aussi puisqu'il implique une forme d'espoir, voire même de spiritualité. Ces poètes, ce sont des artistes à destin, des stars, oui, comme Aznavour, Renaud, Bourringer, mais des stars en marge, des cabossés. Par exemple, Hubert Félix Thiéphaine, symbole d'une culture souterraine française, un chanteur qui ne correspond à aucun code, qui n'a jamais joué le jeu du show business, indéfinissable, un Léo Ferré au cœur, un homme qui continue génération après génération à marquer son époque, mot après mot, chanson après chanson. Sur votre album, je vous appelle Grand Corps ou ouais, Grand Fabien, Corps, c'est mon prénom. Grand Corps. Grand Corps Malade, il est savant avec ce titre. Les forains squattent sur les pavés des villes en fête, où les chiens se déchirent en s'arrachant la tête. Les vagues d'intimité se voilent de brume et d'ombre, avec le bruit du temps qui frappe à la pénombre. Féminité pulpeuse et beauté mystérieuse, dans le reflet des âmes et des pensées houleuses. C'est la noce des nus, la noce des hobos, c'est le train de minuit qui roule au point zéro. MC2 sur racine carrée de 1 moins V2 sur C2, nous rêvons tous un peu de jours plus lumineux. Là-bas sur les terrains vagues de nos cités, l'avenir se déplace en véhicule blindé. Symphonie suburbaine et sombre fulgurance à l'heure où les sirènes traversent nos silences. Il nous restera ça, au moins de romantique, quelques statues brisées sur fond de ruines gothiques et des seins défroqués noyés dans le formol avec des tranches traînées rougeâtres aux auréoles. MC2 sur racine carrée de 1 moins V2 sur C2, nous rêvons tous un peu de jours plus lumineux. Pas d'émeute aujourd'hui dans la ville aux yeux vides, juste quelques ados qui s'exercent au suicide et quelques folles hurlant roulant des quatre feuilles au terminal central des retours de cercueil. clairvoyance égarée dans les versets d'un drame, où l'on achète le vent, où l'on revend les âmes, où les soleils austères des aurores éternelles s'attaquent aux somnambules qui sortent leurs poubelles. MC2 sur racine carrée de 1 moins V2 sur C2, nous rêvons tous un peu de jours plus lumineux. Les machines à écrire s'enflamment sur la neige, les automitrailleuses encerclent les manèges, la roue tourne en saignant sur son axe indécis, entraînant des enfants aux allures de zombies. C'est Goethe à Weimar qui n'a pas vu le temps, futur des Dakotas dans les ténèbres en sang. C'est l'onde de chaleur dans le désert glacé qui annonce le retour des printemps meurtriers. MC2 sur racine carrée de 1 moins V2 sur C2, nous rêvons tous un peu de jours plus lumineux. Voilà, c'était Hubert Félix Thiéphaine, s'appelle Le Temps des Tachyons. C'est un texte complètement fou, il a une poésie voilà, assez noire, obscure, comme ça, on comprend pas tout à la première écoute. Ni à la deuxième, et voilà, et c'est tout Thiéphaine. Non, mais c'est magnifique. Il y a des, il y a des formules incroyables dans ce texte, faut le réécouter. Alors, tout n'est pas si sombre, hein, sur l'album, voilà, mais voilà, Thiéphaine, il m'a fait ça vraiment comme un cadeau, parce que c'est celui que je connaissais le moins dans tous ceux à qui j'ai proposé le projet. Et voilà, il fait très peu de choses, il fait peu de collaborations, on le voit pas beaucoup. Et du coup, il a accepté l'invitation, donc je le remercie encore, et son texte, il est complètement fou. Sur votre album, Il nous restera ça, grand corps malade. Mélanie Boer. Hubert Félix Thiéphaine, qui jouera bientôt pour nous, hein, la France Inter, comme vous dites, en symphonique. En symphonique avec des musiciens de l'Orchestre National de France, en public et en direct. Du studio 104, ce sera le 8 novembre, c'est un dimanche à 21h, une immense réunion de petits esprits en bonne santé, présentée par Rebecca Manzoni. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà réserver vos places en vous inscrivant sur le site maisondelaradio.fr. Ça vous fait rêver, vous, de jouer avec un orchestre symphonique? Bah ouais, et je le fais le 23 novembre. Ah bah voilà. En fait, c'était une transition, bravo. Ah, c'est voilà, oui. En fait, le 23 novembre à Lyon et le 25 novembre au Théâtre du Châtelet à Paris, on finit la tournée en fait précédente, voilà, tournée Funambule. Et du coup, voilà, on met les petits plats dans les grains et on finit par deux concerts un peu fous avec plein d'invités et un orchestre symphonique. Et même le 15 décembre, vous serez à Lille. Alors là, il n'y aura pas le symphonique, mais ce sera le tout dernier de la tournée. Et du coup, voilà, il y aura forcément une belle fête et des surprises. Le 21 novembre à Chinon, le 23 novembre à Lyon, c'est Grand Corps Malade et son dernier album, Il nous restera ça, où il a invité ses poètes préférés. Et vous leur rendez hommage d'ailleurs dans le premier titre, qui est très très chouette, qui s'appelle L'heure des poètes. Et vous rendez hommage notamment à Brel et aussi à Renaud et Aznavour qui sont sur l'album, je le rappelle. À cette heure-ci sur France Inter, Grand Corps Malade, c'est l'heure de la facétie, de l'enquête, de l'enquête avec le sourire, la vanne. C'est Guillaume Meurice, c'est le moment Meurice. Oui, alors aujourd'hui je me suis intéressé à une candidature un peu particulière, celle de Jean-Claude Bader sur la liste Front National de Florian Philippot dans la région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne. Alors pourquoi particulière? Parce que Jean-Claude se produit par ailleurs sur scène en tant que sosie de Johnny Hallyday. Alors lui, il s'en défend, hein, il dit qu'il n'est pas sosie mais seulement interprète. Mais bon, quand tu ressembles à Johnny, que tu montes sur scène habillé comme Johnny et que tu chantes avec la voix de Johnny, c'est quand même rare qu'on te confonde avec le sosie d'Arlette Chabot. Hein, faut quand même être honnête là-dessus. Alors attention, il ne faut pas faire d'amalgame non plus. Tous les sosies de Johnny ne sont pas au Front National. Par exemple, j'en ai contacté un qui s'appelle Johnny Mirador. Alors qu'est-ce qu'il pense de cette candidature? Alors moi, je trouve ça dégueulasse parce qu'on n'utilise pas l'image de Johnny. Mais alors vous, votre pseudo, c'est quand même Johnny Mirador. C'est quand même très associé. Johnny Mirador, oui, oui. C'est très associé à l'incarcération, à l'insécurité. Non, c'est les thèmes du Front National, un peu. Mirador, c'est une chanson de Johnny. Ok, d'accord. Mais bon, je me méfie, moi, je suis un peu tatillon, hein, vous me connaissez. Bon, alors, ok, Johnny Mirador, il ne cautionne absolument pas. Alors, il y a des sosies, c'est l'inverse. Par exemple, la sosie de Brigitte Bardot, c'est emmerdant. Est-ce qu'on lui demande de lire des discours de Bruno Gollnisch? Bon, alors j'en ai contacté une, elle s'appelle Sandy Smith. Elle m'a dit que non, elle faisait pas politique non plus. Elle est en fait la sosie de Bardot dans les années 60-70, donc plutôt ambiance... Harley Davidson, la madrague, avec son pantalon Vichy, enfin... Ah, il y a quand même un rapport à Vichy alors? Oui. Il y a un rapport à l'extrême droite peut-être? Non, mais je veux juste qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, hein, comprenez bien ça, pas d'amalgame. Donc là, on est bon, on est prêt pour écouter Jean-Claude Bader, hein, celui qu'on appelle le Johnny Alsacien, et qui se présente donc sur la liste Front National de Philippot. Alors, premier souci, Johnny Hallyday, le vrai, c'est quand même un mec qui se prend pour un Américain, qui a un père belge, qui est coiffé comme un Indien et qui vit en Suisse. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de patriotisme? Commençons à parler fiscalité avec Jean-Claude. Johnny Hallyday, il a toujours payé ses impôts en France. Hein, ça ah bon ramène beaucoup d'argent à l'État. Bah, elle est déjà la TVA sur les billets. Oui, mais il habite en Suisse. Bah, il habite plus en Suisse. Il a vendu en Suisse. Ah bon? C'est vendu. Ouais, faut lire la presse people. Ah merde. C'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas allé chez le coiffeur, donc j'ai pas toutes les news. Donc bon, Johnny vit maintenant aux États-Unis. Alors ça change rien. Est-ce que ça ne pose pas quand même un problème au niveau du nationalisme? Ah, écoutez, il y en a d'autres qui vivent aux États-Unis. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de Français qui sont aux États-Unis. Oui, mais ça, c'est pas en contradiction avec vos valeurs patriotiques? Pas du tout, mais tout le monde fait. Moi, écoutez, la mondialisation, elle est là. Moi, j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Donc vous pensez qu'on a le droit de vivre où on veut? Mais bien sûr, heureusement. Donc vous êtes pour que les réfugiés syriens viennent s'installer en France? Pas forcément. Ah. Non, attendez, ah bon, c'est pas la même chose. Ah bon? Non, pas du tout, c'est pas la même chose. Non. Ah. Non, parce que moi, des réfugiés, ok, il n'y a pas de souci, mais là, il n'y a pas que des réfugiés, il y a de tout là. Il y a autre chose que des réfugiés, il y a des gens qui viennent pour des raisons économiques, il y a des gens qui viennent en France parce qu'ils se trouvent plus bien chez eux, j'en sais rien. Oui, mais ça s'entend un peu, hein, que t'en sais rien, Jean-Claude. C'est pas clair, hein, ton truc. En plus, comble de malchance pour notre ami Jean-Claude, Johnny Hallyday est en pleine préparation d'une chanson qui parle des migrants, justement. Je le sais, hein, je l'ai lu dans le Parisien Magazine. Hein, c'est sérieux, hein, c'est pas de la presse people, ça. C'est une excellente revue, hein, le Parisien Magazine. Il paraît même qu'entre les pages de pub, il y a des articles. Mais c'est pas la question. La question, c'est cette future chanson de Johnny. Qu'est-ce qu'il en pense, Jean-Claude? Déjà, il faut qu'elle me plaise au niveau musique. Si la chanson vous plaît musicalement, vous allez la chanter? Pourquoi? Non, mais attendez, musicalement, après, il y a les textes. Ah ben oui, ouais. Même, je ne suis pas peut-être tout à fait d'accord. J'aime pas toutes les chansons de Johnny Hallyday. Elle a aussi fait quelques chansons où je dirais que c'est un peu de la soupe. Hein. Et même lui, il l'admet. Eh oui, c'est vrai, il l'admet. Hein, il crache dans la soupe qu'il a auparavant vendue. En tout cas, ceux qui n'ont pas de soupe, pas de toit et un avenir plus qu'incertain, ce sont ces réfugiés qui ont fui la misère pour se retrouver parqués dans des centres aux allures de prison et qui se promènent toute la journée sous quoi? Sous le mirador, la liberté. Ça, c'est la bonne musique, hein, Bauer. Paf, la claque, hein. Merci Guillaume Meurice. Ce qui est très bien, c'est que c'est du temps de parole pour le Front National que vous oui, avez donné. Et donc ça compte. Ah, ça compte. Ça, donc on n'est pas obligé de. Et donc voilà, c'est ça en moins pour. On n'est pas obligé de leur tendre le micro, c'est super. C'est bien. Bah, c'est ce que je fais. Ouais, je le fais. Ouais, cool. Faut les laisser s'exprimer. Bah, voilà. Bah, voilà. Donc un bisou au CSA, hein, parce que dans ces cas-là, on dit voilà. comment contourner les choses. Nous sommes toujours en compagnie de Grand Corps Malade qui est en tournée. Vous serez le 5 à Genève, le 5 novembre. Mais Johnny habite plus apparemment. Donc, ouais. Ça sert plus à rien. J'espère que vous avez un hôtel. Est-ce que vous avez écrit pour lui? Ouais, il y a 2-3 albums il y a quelques années. Ouais. Vous ne voulez pas demander d'écrire non plus à qui s'est passé le problème de téléphone toujours? Pour le disque. Il n'est pas poète, Johnny, on ne peut pas le retrouver. Jean-Claude, en revanche. Jean-Claude, il est peut-être partant. Il a l'âme d'un poète. Il y a un truc. Allez, on va aborder le deuxième sujet d'actualité avec vous, Grand Corps Malade. Bien, l'une des mesures qui est censé refléter l'esprit du 11 janvier, c'est le service militaire volontaire, une formation militaire de 6 à 12 mois pour finir, notamment dans les cuisines d'Euro Disney. C'est tellement Charlie, Mickey et les Millie. M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E. Je vis dans un monde merdique, ça oui, mais je suis vivant et je n'ai pas peur. Eh ben c'est pas les sept nains, c'est Full Metal Jacket. Va comprendre. Alors bon, essayons de résumer un petit peu les choses. Donc, François Hollande inaugure aujourd'hui le premier centre de service militaire volontaire. Reprenons les choses dans l'ordre parce que là apparemment donc l'esprit du 11 janvier, c'est-à-dire il faut donner corps à l'esprit du 11 janvier en matière de cohérence nationale. Pour retrouver cet esprit du 11 janvier, Charlie, etc., le service militaire volontaire, donc il y a déjà un truc qui m'échappe, et après pour se retrouver dans les cuisines d'Euro Disney. Alors je ne sais pas si j'ai tout compris, mais en tout cas il y a des formations professionnelles sous encadrement militaire qui doivent favoriser la citoyenneté et la transmission des valeurs éducatives, mais par les valeurs militaires, c'est-à-dire d'actualité, civisme, mais aussi uniforme, etc. Et entraînement au tir, bien évidemment. Alors, retrouver cet esprit du 11 janvier et former les jeunes via l'armée de terre, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Ça vous semble incongru ou bien vous dites... Je vois pas le rapport évident entre l'esprit du 11 janvier et l'armée de terre. Je ne suis pas la seule, vous me rassurez, grand normal, en même temps, je connais... Ah, je vois un peu plus de rapport entre l'armée et Disney. Ah oui, par exemple. Là, je sais pas, mais je pense que du coup, c'est pas un hasard. Disney, ça doit être très, très hiérarchique. Il doit y avoir une espèce de pyramide de hiérarchie. Ah, c'est vrai, il y a des grandes entreprises qui ont passé un accord. On doit répondre aux ordres, etc. Donc, je pense qu'à la limite, peut-être qu'on est formé par Disney, on peut devenir de très bons militaires. Peut-être. c'est la poésie d'Euro Disney. Elle se cachait bien. Mais alors, par exemple, à La Rochelle, il va y avoir entretien des campings. Et la SNCF prendra aussi en charge 50 jeunes. Pardon, excusez-moi, entretien des campings. D'accord. Comment vous dites en France? Non, c'est camping, mignon. Ils disent, ces gens-là. Camping. Ah oui, c'est ça. Quelque chose de plus fleuri. les valeurs militaires, en quelque sorte, est-ce que c'est quelque chose contre lequel vous luttez un peu, ou bien vous pensez que ça peut être utile pour la formation des jeunes? Apparemment, c'est un système qui fonctionne très bien en Outre-mer. Non, vous n'attendiez pas cette question. Non, mais elle est bien. Je vais réfléchir une demi-heure et je vous réponds. Non, mais après voilà. Vous êtes pas anti-mili, vous? Je suis pas trop pro-mili non plus. Non, je suis pas. C'est pas ma passion, quoi. J'ai eu la chance d'avoir évité le service militaire. Du coup, c'est un milieu que je connais pas très bien. Je reprends la médaille sur scène, un texte de Renaud fabuleux, pas très mili. Il n'était pas très mili, lui. Hein. Il faut signaler que les futurs soldats auront droit à une remise à niveau scolaire. Ah, oui, parce que c'est ça des... peut être utile. Voilà. Même pour les anciens soldats, ça vaudrait la peine. Oui, mais c'est clairement pour des jeunes en difficulté. Je sais pas pourquoi, je sens autour de cette table que ce sujet ne vous passionne pas. On ne sait pas par quel angle l'attaquer. On est circonspect, on est perplexe. Il y a beaucoup de perplexité dans ce sujet. Esprit 11 janvier, militaire, Euro Disney. On dirait un camoulox un peu. C'est trop de camoulox. C'était un jeu télévisé, ça? Oui, Cadet Olivier. D'accord. Le jeu. Bon, écoute, je vous renvoie éventuellement à l'article dans L'Opinion, un service militaire volontaire, l'armée va former du personnel pour Disney. Voilà pourquoi j'ai choisi ce sujet. Parce que je me faisais marrer. Le titre vous a amusé, on s'en a bien senti. Vous sentez bien que ça m'a amusé. Moi, j'ai noté qu'en Belgique, on disait camping. Et vous ne repartez pas les mains vides. Vous voyez la poésie de l'accent belge. Clara Dupont-Mono. Charline Manunecker. Mettons un petit peu l'église au milieu du village. Oui, allez, détends, pas de l'ours. C'est ça. Puisque l'actualité, c'est aussi une grande exposition à succès qui se tient en ce moment à Paris. Peut-être que vous l'avez vu, Grand Corps Malade. Elle s'appelle Splendeur et Misère, image de la prostitution en France. Et on peut y voir notamment des très très belles toiles. On peut y voir les prostituées vues par Manet, Degas, Picasso ou alors Toulouse-Lautrec. Alors ça, c'est très bien, c'est formidable. Mais il se trouve que la littérature étant une grande dame un petit peu jalouse, je l'ai entendu pester. Il n'y a pas que la peinture dans la vie. Moi aussi, j'ai des choses à dire sur le sujet. Mais oui, car je parle avec la littérature. Il y a plein de gens dans ma tête qui se télescopent. Alors, pour marquer son territoire, la littérature, elle nous offre un recueil de Guy de Maupassant qui s'appelle « Les prostituées ». Non mais si vous n'avez rien à lire, mes grands corps malades, mais vous avez fait de la littérature, maintenant il est temps d'en lire. Ce sont 11 nouvelles de... Il n'est pas venu pour se faire engueuler non plus. 11 nouvelles donc, de Guy de Maupassant qui ont été sélectionnées, mises ensemble, et cette compilation vient donc de sortir. Je précise pour vous, Alex, que ça n'est pas un jeune auteur qui vient de sortir son premier roman. Voilà. J'imaginais le lecteur de Télérama qui regarde les expos et qui dit à sa femme « Mais je veux voir les prostituées !» Eh ben oui, c'est ça. Oui, mais est-ce que c'est un peu ça, quand même? Et alors, mais combien, il faudrait que je vous dise combien ces nouvelles sont magnifiques, combien Maupassant est grand quand il écrit sur l'enfoui, sur le honteux, et combien il rend hommage à ses filles, finalement ses trésors publics. Voilà. Alors, d'abord, chez Maupassant... La prostituée, elle est grasse. Elle n'est pas grosse. Elle est grasse. C'était l'époque, on le voit dans les tableaux de l'expo d'ailleurs. Au 19e siècle, en général, on les aime plutôt potelées. Et une mannequin de la Fashion Week 2015 n'aurait eu mais aucune chance. Je pense qu'on l'aurait même internée pour qu'elle se fasse soigner. Et puis c'est plus cher. Et puis c'est plus cher, exactement. Mais Boule de Suif, qui est une des plus belles prostituées de Maupassant, est, je cite, « grâce à l'art, avec des doigts bouffis pareils à des chapelets de courtes saucisses, avec une peau luisante et tendue, une gorge énorme qui saillait sous sa robe, sa fraîcheur faisait plaisir plaisir à voir. D'ailleurs, elles s'appellent toutes ses copines la grosse Amanda, Eva la tomate, mais aussi Rosa la rosse, et on a Flora la balançoire. Et notons que c'est à Flora ce moment-là... La balançoire. Ouais, c'est Flora visuel, la balançoire, ça, c'est très visuel. C'est acrobatique. Mais c'est à la fin, c'est à ce moment-là, c'est à la fin du 19e siècle que tous les prénoms en A commencent à faire fantasmer. On atteindra des sommets avec le Minitel, hein, rappelez-vous Alex Vizorek, mais le 3615 code Oula, Samantha, il y avait Clara aussi, et Charlina, ça arrivera certainement un jour. Mais ça date de là, cette espèce de fantasme un peu autour des prénoms en A. Alors ces 11 nouvelles, elles ont un cadre assez précis qui n'est pas là par hasard, c'est qu'elles se déroulent toutes autour de la guerre de 1870 quand les Prussiens ont envahi la France. Et en fait, c'est une façon pour Maupassant d'enlever aux prostituées leur étiquette de victime. Parce que l'une poignarde un officier prussien avec un couteau à dessert. Une autre sait qu'elle a attrapé la syphilis et du coup, sciemment, elle contamine les officiers prussiens. Et notre boule de suif, toujours la même, elle se refuse à un soldat en le traitant de canaille et on pense au regard plein d'aplomb de l'Olympia de Manet. Aucune n'a choisi ce métier, ça d'accord. Mais elles le font toutes avec des règles morales, en réclamant du respect et finalement avec beaucoup plus de noblesse que les épouses bourgeoises de leurs clients. Et c'est là aussi où Maupassant est très fort. C'est dans sa façon implicite, en creux, de parler des clients. Il y a, bien sûr, ceux qui ont des pathologies affectives et sexuelles, mais même eux, cher Alex, même eux, ils ne sont pas diabolisés par Maupassant. Non, le client qui cherche la passe à 3 francs, c'était le tarif à l'époque, est un homme soit profondément heureux, et pour lui le sexe est un éclat de rire, soit il est profondément triste. Et Maupassant a un petit faible pour la seconde catégorie. Parce que là, il s'agit, je cite, d'une lassitude désolée, accablante, et un découragement qui pousse les hommes vers la galanterie tarifée. Et partout, en filigrane, tout le temps, court l'idée que ces clients-là, ce qu'ils payent, c'est moins la passe que la possibilité de partir après la passe. C'est ça que les filles facturent beaucoup plus souvent, nous dit Maupassant, cette liberté ou cette lâcheté, selon le point de vue qu'on adopte, mais en tout cas, cette absence de lien. À méditer, et pour cela, je vous donne les références. Maupassant, Les Prostituées, 11 nouvelles parues en folio, et l'expo à Orsay se tient jusqu'au 20 janvier. Philippe Cobert a adoré, hein, ce livre, je pense. C'est bien parce que quand vous parlez d'esclavage, on a envie d'être esclave, et c'est formidable. Clara, vous avez certainement une âme de bourreau. Nous sommes toujours en compagnie de Grand Corps Malade qui sort un album où il a invité des tas d'artistes qui sont poètes avant tout. Il nous restera ça. Et puis vous êtes aussi en tournée, je le rappelle, jusqu'à Lille le 15 décembre et concert symphonique au Théâtre Musical du Châtelet le 25 novembre. On va aborder avec vous le troisième sujet parce qu'on s'est un petit peu échauffé avec les sujets 1 et 2. Là, on attaque un gros sujet de fond. On a regardé le clip vidéo d'Adèle. Comme à peu près 120 millions de personnes à cette heure-ci, ça ne fait que grandir. Et donc on lui fait un petit peu de pub pour qu'elle ait encore plus. Non, mais à un moment, il faut renoncer à être original. On regarde, c'est-à-dire hein, ça ressemblait à une critique. Non, pas du tout. On regarde le clip d'abord pour découvrir facilement et gratuitement la chanson, puis voir la réalisation de Xavier Dolan. Mais contrairement à des tas de clips, là c'est moins pour le catalogue de fringues et d'accessoires de la chanteuse. Tiens-toi bien, j'ai tous les costumes de toutes les émissions de variété de Mariti Gilbert Carpentier. Regarde, Carlos, 74, Pétula Clark, 78, Michel Fugain, 73. Touche. C'est la soie sauvage. Il aurait jamais dû arrêter de dire bazar, Michel Fugain. Moi, j'aimais bien quand il dansait avec ses bottes qui lui arrivaient jusqu'aux couilles. En fait, la lane lui a tout piqué. Un extrait de Podium. Alors, je vous fais le pitch du clip d'Adèle. Hein. Donc, le dernier qui s'appelle Hello. Et l'histoire est aussi courte que le titre, c'est-à-dire qu'Adèle est dans une maison et elle sort téléphoner, voilà, dans le jardin. C'est génial. Et c'est formidable, c'est Xavier Dolan, c'est épatant. C'est... Et il y a 1 million de vues par heure. Vous l'avez vu, Grand Corps Malade ? Non, je l'ai pas vu, j'ai pas fait mes devoirs. Pourtant, je savais qu'on allait aborder le sujet. C'est dit, je le regarde puis, pas. Et tac, j'ai été pris dans d'autres. Vous regardez des clips, parce que moi, je regardais plus de clips. Et puis là, quand je vois ça, je me dis, tiens, pourquoi est-ce qu'il y a 120 millions de personnes qui regardent ? Je vais regarder, mais. Bah oui, c'est ça. Vous aussi, vous êtes dans le troupeau ? Pas trop, non, je regarde pas beaucoup de clips. Non. Mais cela dit, il y a une vraie nouvelle utilisation du clip par Internet, qui effectivement, après, il y avait MCM en début de matinée, mais maintenant, le clip revient à la mode grâce à ça. Maintenant, il y a beaucoup moins de chaînes musicales qui passent des clips pendant des heures. Ouais, ça passe, c'est sur YouTube. Et... Vous, quand vous devez faire un clip, évidemment, vous avez vos idées. On vous retrouve, par exemple, Funambule, vous êtes plutôt dans un hangar entouré de béton. Vous vous replacez dans votre élément. Le truc hyper réducteur. Dans un box, en fait. Mais non, mais il le dit, vous le dites encore dans le texte de la première chanson. Oh bah non, si vous me cherchez là-dessus, votre micro entouré de béton. Dans un très beau hangar, Funambule d'ailleurs, avec une danseuse classique. Voilà. Exactement. Avec d'autres artistes. Ah, faut me chercher. On va me chauffer là-dessus. Elle revient de vacances, elle est chaude patate. Non, mais attendez, Adèle a un téléphone à clapet. Oui, c'est ce qui a fait parler tout le monde. Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est une très mauvaise chanson? Et on se fiche du contenu musical. Mais on peut tout dire. C'est quand même important. C'est Céline Dion. J'ai envie de répondre à Charline. Je suis très mauvais pour trouver des images. Voilà, une fois que j'ai ma chanson qui existe, j'arrive pas trop à m'en détacher, à avoir un autre regard. J'ai la chance de bosser avec quelqu'un d'épatant qui s'appelle Mehdi Idir, qu'on appelle Minos. C'est lui qui met en image toutes mes chansons, et notamment sur l'heure des poètes, où j'ai rendu hommage à 8 poètes dans le titre. Lui, il a eu l'idée de continuer l'hommage en faisant travailler 8 artistes peintres. Et donc le clip, c'est quelque chose de très rythmé où on voit les peintres faire des tableaux. Alors il y a du graphe, il y a du street art, il y a beaucoup de choses. C'est un très très beau clip, je le dis avec d'autant plus d'enthousiasme que c'est pas du tout mon idée et que j'apparais même pas dans le clip. Voilà, donc c'est un peu comme si c'était pas moi. Mais en tout cas, non, c'est un super beau clip. Plus intéressant que de sortir de sa maison avec un téléphone à clapet. Je trouve. En plus, une mauvaise musique. C'est catastrophique cette chanson. C'est déjà une chanson qui commence par Hello, bonjour. On parle plus de l'heure des poètes, par contre, je tiens à préciser à nos auditeurs. Donc peut-être le clip sauve un petit peu la chanson, mais en tout cas, allez voir le clip. Le clip raconte la chanson où il ne se passe rien. C'est bien ça. Alors allez plutôt voir le clip de l'heure des poètes, de Grand Corps Malade. Ou aller voir Mommy de Dolan, parce que son film était absolument génial. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de références. Il dit qu'il a subi une destruction psychique quand il a écouté la chanson d'Adèle. C'est l'heure du sketch. Vous donne un rôle, et c'est le rôle de Grand Corps Malade, donc ça devrait aller. Votre manager vient vous voir parce qu'il a des choses à vous proposer. Attention, c'est maintenant. Alors, Grand Corps Malade, est-ce que vous allez bien ? Je suis au top, ça s'entend dans mes chansons. Bon, alors, on propose des choses. Si c'est Danse avec les Stars, je le sens pas trop. Bah pourquoi ? Ah pardon, oui, non, alors c'est pas ça. Alors depuis que vous avez relancé Renaud, ils veulent tous que vous les aidiez. Qui ça tous ? Les alcooliques anonymes ? Je précise que c'est pas mon texte. Je lis une feuille que j'ai donnée. Renaud, si tu m'écoutes, je suis désolé, je joue le jeu d'une émission que je n'ai pas choisie. Ça, j'en sais rien. Vous êtes devenu le monsieur comeback du showbiz. Il y a plein d'artistes has-been qui veulent collaborer avec vous. Mais comme qui, par exemple ? Bah, Doc Gynéco m'a appelé. Ah, il veut faire un comeback, mais dans quoi ? Le rap ou la politique ? Le rap. Ah, alors non, non. J'ai aussi Ophélie Winter. Ah, bah, passe-moi son téléphone déjà. Après, sinon, j'ai Guy Béard. Ah, pardon, la boulette. Bon, j'ai Enrico Macias. Lui, il va bien, Ah, c'est à moi, pardon. Alors, il pourrait se mettre au slam. J'ai encore un vieux texte qui a jamais servi. Ah, ben voilà, on peut écouter ? Ah, de là, je suis censé faire l'accent pied noir, non ? Non, j'ai eu peur. Si je suis un pied noir, de quelle couleur est l'autre pied ? Comment le savoir ? S'il est blanc, c'est un sacré pied de nez. Ce que je sais, c'est que tous les deux sont beaux. Je peux l'affirmer, moi, j'ai deux pieds beaux. Formidable. Oh ! Ah, il y a quelqu'un à la porte. Oui, bonjour, il paraît que vous êtes un spécialiste des comebacks. C'est qui ? C'est Lionel Jospin. Tiens, bah, rappelle Doc Gynéco. Grand Corps Malade était avec nous. Il a tout fait. Il sait tout faire. Bon, Orelsan s'est mis à faire l'acteur. Pourquoi pas vous ? J'ai un projet de film, mais pas acteur. Ah d'accord. Grand Corps Malade. Ouais, moi bon, j'ai adapté. Ouais, et scénariste et co-réalisateur avec Mehdi Idir justement. Et ben voilà. Ce sera pour l'année prochaine. C'est pour un peu plus tard. Si vous voulez, je peux vous laisser avec Nicolas Demorand, il n'y a aucun souci. Merci Grand Corps Malade, votre album, il nous restera ça. Et puis la tournée, bien sûr, le mot de la fin à Lionel Jospin. Je suis socialiste d'inspiration, mais le projet que je propose au pays, ce n'est pas un projet socialiste.